dans cette édition qui déménage de la connexion. Blizzard lève enfin le voile sur Diablo 3. Grand Theft Auto est encore au cœur d'une controverse. Une clé USB contenant les informations de 1500 Canadiens est perdue. Et quelqu'un paie 389 000 $ pour la vie de quelqu'un d'autre sur eBay. Tout ça et plus de titres, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante, nous sommes en direct le mardi 1er juillet. Bienvenue à vous tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous êtes là, restez toute la journée parce qu'il va y avoir un gros spécial qui s'appelle Radio Carton. Je l'aime ça à partir de 13h, donc l'émission d'aujourd'hui va être un petit peu plus relax, un petit peu plus musical vers la fin. On commence avec le bloc F5 jeux vidéo, des nouvelles de Nintendo, de Greenpeace, de Sony et un marathon de Super Mario. Tout ça plus tard, mais avant en musique, voici Major Billet et les Mouches au 89.1 FM. Tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se tasse. Le peu qui excite t'attire l'émotion. De vieux pain confit, une tranche de vie, un peu moitié. Que tu gardes en l'air, que tu sors pas. Que tu gardes en l'air, que tu sors pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient. Endormir ton cœur qui oublie d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en prescrire. Mère, il fait du bien. C'est ta journée qui commence tard. C'est ta journée, le soleil sort. Mère, ça fait du Major Billet et Mouche de leur album La Vie qui fit avec la tapisserie ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5 jeux vidéo. Quelques grosses nouvelles. On commence avec Nintendo. Alors que l'industrie du jeu vidéo attend impatiemment le 3 Media and Business Summit qui aura lieu à Los Angeles le mois prochain, Nintendo a... En fait, c'est ce mois-ci, c'est en juillet. Nintendo a dévoilé les nouveaux titres qui seront lancés cet été sur les consoles Nintendo Wii et Nintendo DS. Nintendo misera surtout sur Mario, Wario et Kirby. D'abord, Mario Super Sluggers, disponible le 25 août prochain pour la console Wii, mettra en vedette Mario et sa bande de joyaux Luron. Dans ce jeu, les joueurs bénéficieront du même principe de sociabilité et de mouvement qu'ils ont appris à aimer avec Wii Sports. Cette fois, c'est une partie de baseball au style de Mario à laquelle toute la famille pourra participer qui leur sera proposée. Les joueurs effectueront un lancer et imiteront l'élan du bâton avec la télécommande de la Wii. Les joueurs pourront choisir parmi plus de 30 personnages de Nintendo afin de les incarner dans ce jeu qui traduira toute la frénésie d'un jeu de sport à la Mario. Les défis amusants et le graphisme du jeu plairont à tous les types de joueurs, dit l'article de Jouer.com. Ensuite, le jeu Mystery Case Files Millionaire, disponible le 8 septembre prochain, profitera de l'interface unique de la DS pour aller encore plus loin dans la jouabilité de la populaire série d'enquête de Big Fish Games. Les joueurs devront déchiffrer les items dissimulés dans des scènes peintes. Ils évolueront dans un scénario interactif de détective qui analyse plusieurs personnages afin de trouver les indices qui le mèneront à trouver le bon héritier du million de dollars en jeu. Les casse-têtes de logique du jeu utiliseront l'écran tactile et le microphone de la DS, en plus de marquer l'arrivée du premier mode multijoueur pour la série Mystery Case Files. Ainsi, les fans de cette série, comme les nouveaux venus, y trouveront leur compte. Ensuite, disponible le 29 septembre, le jeu Wario Land Shake It à déroulement horizontal classique pour la Nintendo Wii mettra en vedette Wario, l'alter ego puant aux manières douteuses de Mario. En tournant la télécommande Wii de côté à l'image d'une télécommande classique, les joueurs habitués comme les néophytes pourront courir, sauter et faire leur chemin en se battant dans des aventures frénétiques. Les joueurs n'auront qu'à agiter la télécommande Wii pour aider Wario à combattre ses ennemis, à vider leur sac rempli de trésors ou encore pour provoquer des séismes. Encore mieux, le jeu offrira plusieurs niveaux qui contiendront plusieurs missions destinées aux joueurs. Ainsi, ces derniers pourront revenir pour tout débloquer, pour collectionner plus de pièces de monnaie ou simplement pour battre leur record de temps. Aussi disponible le 29 septembre, le titre Kirby Superstar Ultra pour la Nintendo DS réinvente l'un des jeux les plus aimés de Kirby. C'est Kirby Superstar Ultra qui va proposer de nouveaux graphiques et des scènes animées inédites. Avec ses nombreux jeux, plus de 10, il n'y aura pas un seul moment d'ennui pendant que Kirby court, flotte, copie les ennemis et utilise ses helpers pour combattre King Decédé ou Decédé et Meta Knight. Donc voilà pour les jeux qui s'en viennent de la part de Nintendo. Parlant de cette compagnie, Nintendo se classe encore au dernier rang, des entreprises technologiques en matière de politique environnementale selon Greenpeace. Dans son nouveau guide pour une high-tech responsable, qui est publié 4 fois par année, Greenpeace analyse les politiques environnementales de 18 entreprises technologiques, notamment en matière d'élimination des substances chimiques dangereuses et de recyclage. Le guide en est à sa 8e édition. Selon Greenpeace, Nintendo mérite une note d'1 sur 10 pour ses politiques environnementales inexistantes. La firme japonaise a cependant indiqué qu'elle refuse de participer à ce classement et qu'elle n'a fourni aucune donnée sur ses produits à Greenpeace, d'où ses médiocres résultats. Greenpeace, de son côté, a souligné que Nintendo ne veut pas discuter de ses politiques environnementales et que ses bénévoles ont donc colligé les informations qu'ils pouvaient sur le site internet du fabricant japonais. Microsoft est arrivé en avant-dernière position du classement de Greenpeace. Un porte-parole a déclaré aux médias que les politiques environnementales de l'entreprise sont nombreuses, mais qu'il y a toujours place à les améliorer. À la tête du classement se trouvent Sony et Sony Ericsson, qui sont les seules entreprises à obtenir un pointage supérieur à 5 sur 10, mettant que Greenpeace a resserré ses critères d'évaluation pour inclure les enjeux climatiques. Le rapport, bien que contesté par les entreprises, les force généralement à améliorer leur politique environnementale. Apple, d'ailleurs, qui se classait souvent en dernière position, a depuis mis en place plusieurs mesures, ce qui lui permet maintenant de se hisser en 11e position du classement. Si vous voulez lire le rapport, allez voir l'article de Branchez-vous qui s'appelle Greenpeace, Nintendo se maintient au dernier rang. C'est sur le site de l'émission au www.unechance.com. Parlons de Sony maintenant. La version 2.40 du firmware ou du logiciel à bord de la console PlayStation 3 qui devait être lancée lors de l'E3 selon diverses rumeurs sera finalement disponible plus tôt qu'on le pensait. En effet, Sony a annoncé que cette mise à jour très attendue de sa console de salon sera offerte dès le 2 juillet, ça c'est demain. Pour rappeler un peu, la version 2.40 de la PlayStation 3 ajoutera des trophées aux jeux offerts sur la console, un peu comme Microsoft le faisait déjà sur sa Xbox. Ce système sera semblable au succès, oui, donc, et sera encore, sera entre autres implanté dans les jeux Buzz Quiz TV. Il va aussi y avoir Little Big Planet, il va y avoir MotorStorm Pacific Rift, NBA 09, Pain, Pixel Junk Eden, Resistance 2, SOCOM US Navy SEALs Confrontation, Warhawk et Super Stardust HD. Cette mise à jour ajoutera aussi le support de l'interface XMB de la PlayStation 3 au sein des jeux. Donc, une fois la mise à jour disponible, vous pourrez accéder à l'interface de la console tout en jouant. Vous pourrez donc naviguer dans les menus de la PS3 afin de consulter, entre autres, votre liste d'amis ou vos pièces musicales sans quitter une partie qui est en cours, donc bonne nouvelle là-dessus. En passant, si le XMB vous permet de changer la sortie audio en cours du jeu, vous ne pourrez pas toucher aux paramètres graphiques ni l'utiliser lorsque vous regardez un film ou vous jouez en émulation PlayStation 1 ou PlayStation 2. Donc, la nouvelle est... disons qu'il y a des bons et des mauvais côtés à ça. Sony, d'ailleurs, a dévoilé la liste des possibilités offertes avec la mise à jour. C'est disponible sur le PlayStation Blog et ça renseigne aussi sur les limites d'utilisation du XMB pendant le jeu. Allez voir l'article de HardGamers sur unechance.com. Sony a dévoilé deux nouveaux services pour sa console de jeu, dont un service de film à la carte pour les consommateurs américains. Sony a annoncé que les propriétaires américains de la PlayStation 3 auront cette saison accès à un service de film à la carte, un service qui sera disponible plus tard dans l'année au Japon ainsi qu'en Europe. Par ailleurs, Sony lance Life with PlayStation, un nouveau service offrant des chaînes de nouvelles et de météo similaires au service déjà disponible sur la Wii de Nintendo. L'interface Life with PlayStation représente la Terre, ses différentes régions et ses principales villes pour lesquelles il est possible d'obtenir des nouvelles locales ainsi que la météo. Un service appelé à s'enrichir avec le temps, promet Sony. Voilà donc Life with PlayStation. C'est un article de branchez-vous.com. Toujours au sujet de Sony, une page du site du Bureau américain des brevets nous apprend le dépôt par Sony d'un brevet concernant « a handheld device with touchscreen and digital tactile pixels ». Autrement dit, c'est une machine portable munie d'un écran tactile de Nintendo DS. Sérieusement. Nouvelle console portable peut-être? Pourquoi pas? D'autant plus que le dépôt vient de Sony Computer Entertainment, la division jeux de la firme, dit le site de jeuxvideo.com. Il ne s'agirait donc pas d'un appareil électronique grand public comme un GPS par exemple, mais bien d'une console. On prendra tout de même cette annonce entre guillemets avec de grosses pincettes, dit l'article, car cette source n'est pas toujours fiable et le dépôt a été fait par un certain Phil Harrison jeudi dernier, alors que le monsieur est passé chez Infogrames il y a 3 mois environ. Maintenant, parlons un petit peu de Microsoft. La seule nouvelle cette semaine, en fait, qui a vraiment retenu mon attention, c'est un journaliste du Hollywood Reporter qui a cité un grossiste qui souhaite garder l'anonymat. Donc, plus fiable comme source, évidemment. Mais si on croit ces gens, Microsoft s'apprêterait à baisser de $50 le prix américain de son modèle dit Pro ou Premium, équipé d'un disque dur de 20 gigs. Si cette rumeur se vérifie, donc, cette offre passerait à $300, soit $100 de moins que la PlayStation 3 40 gigs actuellement affichée au tarif de $400. Bref, quelle que soit l'issue de cette guerre des tarifs, ce sont les joueurs qui sortiront gagnants. Microsoft n'a pas encore fait de commentaire en date d'hier, le 30 juin. Vous vous rappelez peut-être du scandale Hot Coffee qui a éclaté suite à l'apparition du jeu Grand Theft Auto San Andreas, j'espère que vous en souvenez. Plusieurs joueurs et parents ont été outrés de voir au sein du jeu un mini-jeu caché. D'ailleurs, un mini-jeu qui est accessible uniquement en changeant le code du jeu. Donc, en achetant un Action Replay, en entrant un code, donc la méthode est très, très compliquée. C'est caché dans le jeu. Mais apparemment, qu'il y a bien des gens qui sont « Oh mon Dieu, pas ça, non! » C'est des gens se plaignent sans même avoir vu ça. Donc, apparemment, le personnage principal pouvait avoir une relation sexuelle avec une demoiselle. De nombreuses personnes offensées ont alors intenté un recours collectif contre Rockstar Games et Take-Two Interactive, bien qu'il ne sera finalement pas aussi coûteux que ce qu'on aurait pu croire. Selon le New York Times, seulement 2676 personnes se sont manifestées afin d'intenter ce recours collectif. Ça signifie que Rockstar devra débourser pour moins de $30,000 afin de compenser ces personnes, ce qui est très peu pour une compagnie comme celle-là. En fait, chaque personne pourra réclamer de $5 à $35 en compensation ou encore une copie altérée du jeu dans lequel le mini-jeu Hot Coffee n'est plus accessible. Il s'agit d'un montant bien moins important que ce qu'avait anticipé Take-Two, la firme ayant mis de côté $1,3 million afin de payer les frais légaux découlant de cette poursuite. Plusieurs des plaignants sont déçus de la tournure des événements, tout comme l'avocat chargé de ce recours. Selon lui, il est difficile de savoir pourquoi les gens s'intéressent ou ne s'intéressent plus à une poursuite plusieurs années après que l'événement ait eu lieu, surtout que les motifs de la poursuite contre Rockstar Games étaient clairs selon lui. En plus de ce montant et des frais d'avocat, Take-Two avait déjà mentionné qu'elle débourserait 860 000 $, oui, je mets mes zéros aux bonnes places, en charité dans l'affaire Hot Coffee. Ça signifie qu'en plus des coûts entraînés par le retrait et la réimpression de San Andreas, le scandale Hot Coffee aura coûté à Take-Two moins de $3 million, un bien petit mal en comparaison aux $370 millions générés par le jeu. D'ailleurs, les jeunes délinquants tentent toujours de trouver une raison pour expliquer leurs gestes et depuis quelques années et dans certaines situations, cette raison se nomme Grand Theft Auto. Le jeu fait encore l'objet d'une controverse alors qu'un groupe de jeunes ayant commis différents délits ont stipulé que Grand Theft Auto a été leur inspiration, dit rgamers.com. 6 jeunes se sont ainsi adonnés à une série de délits au cours de la nuit de mercredi à jeudi dernier, en commençant par une attaque à main armée à l'extérieur d'un supermarché dans la ville de Garden City, dans l'État de New York. Par la suite, armés de battes de baseball et de barres de fer, ils se sont promenés dans les rues de la ville avant d'agresser et de voler un motocycliste, de voler des cigarettes à une femme au volant d'une vanne et de frapper une vanne à l'aide de leurs battes. À un certain moment, les jeunes ont même bloqué le trafic avant d'agresser des conducteurs. Âgés entre 14 et 18 ans, les jeunes ont été arrêtés après que la femme s'étant fait voler ses cigarettes et signalé leur présence ainsi que leurs méfaits à la police. Ils ont été accusés de vol au premier degré et seront jugés en tant qu'adultes à la cour. Et je cite... Il était clair qu'ils imitaient le personnage dans le jeu Grand Theft Auto, allant sur une lancée de crime en utilisant des armes et tactiques inspirées du jeu controversé, a déclaré le sergent détective Anthony Rappelloni. Changement de sujet brusque, à en croire les dires de David McCarthy, producteur chez EA Sports, cette division de Electronic Arts tentera aussi d'avoir sa part du marché plutôt prolifique des jeux avec périphériques. En effet, au cours d'une présentation à Paris, McCarthy a déclaré que plusieurs jeux de EA Sports suivront la voie empruntée entre autres par Rock Band, qui est un ensemble comprenant un jeu et des périphériques pour y jouer. Selon McCarthy, nous verrons des ensembles comprenant des jeux et des périphériques de la part de EA Sports au cours de la prochaine année. EA est en train d'adopter la même stratégie que celle utilisée dans Rock Band, bien que McCarthy ait déclaré qu'il fallait être prudent lorsqu'on prend cette voie. Et je cite, Vous devez être prudent avec cela, puisque Rock Band, il s'agit d'un bon périphérique, mais aussi d'une grosse et coûteuse boîte, a-t-il déclaré durant sa conférence. Nous en saurons sans doute plus au sujet des plans de EA Sports au cours du prochain E3. En attendant, vous pouvez toujours spéculer sur quel périphérique pourrait voir le jour avec différentes franchises de EA Sports dans un futur somme toute rapproché. L'article vient de Gamasutra via Art Gamers. Après LucasArts, Activision, Vivendi et id Software, voilà qu'une autre firme vient de quitter le bateau de l'Entertainment Software Association, les organisateurs de l'E3. En effet, Game Politics a appris que Crave Entertainment ne fait plus partie de cette organisation chargée de représenter les distributeurs de jeux en Amérique du Nord. Aucune raison n'a été mentionnée pour expliquer le départ, bien que des rumeurs concernant des différends avec le président de l'ESA, Mike Gallagher, est une fois de plus fait surface. À noter que malgré ce départ, Crave sera présent au prochain E3 afin de démontrer ses derniers jeux en développement. L'article vient de Game Politics via Argamers. En passant, petite chose comme ça, c'est déjà passé, mais je trouvais que c'était important d'en parler quand même. Le Super Mario Marathon, en direct la fin de semaine dernière, 3 amis jouaient à 7 jeux de la série Mario, de Super Mario Brothers à Super Mario Galaxy sur la Wii. Les 3 compères ont décidé de parcourir les jeux les uns à la suite des autres. Donc, vous pouvez trouver sur le site une page permettant de faire un don pour soutenir une association équipant les hôpitaux avec du matériel de jeu. Si je me rappelle bien, c'est Child's Play de Penny Arcade. Voilà, je sais pas si les vidéos sont disponibles encore sur le site web. Je vais aller voir. C'est le mariomarathon.com. 3 joueurs, 7 jeux, une fin de semaine. Oui, c'était bien pour Child's Play. Ils ont réussi à attraper les 120 étoiles dans Mario Galaxy. Ils ont débarré Luigi à 00:32 le lundi 30 juin. Enfin bon, allez voir la diffusion sur le mariomarathon.com. Je trouve que c'est une très, très bonne cause, Child's Play. On reparle vite du fait que Spore a annoncé la 1000e créature qui vient de naître dans le Creature Creator. En mettant gratuitement à la disposition des joueurs, l'éditeur de créatures de jeux Maxis Studios ne s'attendait peut-être pas à un tel succès, mais en à peine une semaine, 1 million de créatures sont déjà sorties de l'imagination fertile des joueurs, un raz de marée, dit jeuxvideo.com. En passant, Sapius Genus, la 1000e créature créée par Flaming Chidori, est dans l'article sur lunchance.com. Très joli, très vert. Et de 20 pour Ubisoft, l'éditeur, développeur, distributeur français annonce en effet l'ouverture en juillet de son 20e studio de développement. C'est à Sao Paulo, capitale économique du Brésil, que sera implantée cette première cellule sud-américaine. L'équipe sera composée de 20 développeurs, mais devrait s'étoffer rapidement pour atteindre les 200 personnes d'ici 4 ans. Une adresse mail est d'ailleurs disponible pour obtenir des renseignements sur les opportunités de carrière au sein du studio, si ça vous intéresse. Notez que Ubisoft Sao Paulo travaillera essentiellement sur la gamme de jeux pour tous de l'éditeur, les jeux casual. Voilà pour le bloc F5 jeux vidéo, les nouvelles vidéos ludiques de la semaine. Maintenant, voici les jeux les plus loués dans les superclubs Vidéotron la semaine dernière. En 5e, on retrouve Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. En 4e, c'est Ninja Gaiden 2 sur la Xbox 360. En 3e, Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. En deuxième, Grand Theft Auto 4 sur Xbox 360. Et en première, c'est Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots sur la PlayStation 3. Vous écoutez la connexion, on parle technologie informatique, jeux vidéo. Voici Data Rock avec la pièce Fa Fa Fa. Et reste avec nous jusqu'à la fin. À partir de 13h le mardi 1er juillet, c'est Radio Carton au 89.fm. C'est fou ça! Rock avec Fa-Fa-Fa, la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc science et technologie. Le fabricant japonais Mitsubishi investit dans la technologie 3D qui va intégrer à une nouvelle gamme de téléviseurs. En janvier dernier, à l'occasion du Consumer Electronics Show 2008, Mitsubishi a fait la démonstration de sa technologie 3D sur un téléviseur HDTV de sa série DLP. Selon Mitsubishi, et je cite, « La table est mise pour l'expérience 3D à la maison. Nous nous attendons à ce qu'il y ait plus d'un million de HDTV prêtes pour la 3D dans les foyers d'ici l'automne 2008 et nous sommes confiants que cela va accélérer la disponibilité de titres 3D pour les consommateurs. » Parce qu'évidemment, il n'y a pas encore de contenu 3D. La technologie de Mitsubishi sera toutefois tributaire des sorties de films en format 3D sur le marché et doit être combinée à une paire de lunettes stéréoscopiques et un ordinateur muni de cartes graphiques spécifiques pour un total de près de 6 000 $, comme en témoigne un reportage de Wealth TV. Les téléviseurs à écran plasma 3D seront disponibles en trois tailles de 73 pouces, 65 pouces et 60 pouces et auront notamment la capacité de montrer des jeux 3D grâce à un partenariat avec Nvidia qui permettra à la télé de donner aux jeux DirectX un effet 3D. DirectX. Fini les conversations interrompues pour cause de batterie à plat. L'opérateur de téléphonie mobile Orange va tester un nouveau gadget qui va permettre de recharger son téléphone en dansant. En partenariat avec Gotwind, une compagnie spécialisée dans les énergies renouvelables, Orange, qui est une marque commerciale propriété de France Télécom, a voulu offrir à ses clients un chargeur alimenté par les mouvements du corps. C'est à l'occasion du Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, un festival de musique et d'art créé en 70 qui se déroule en plein air à Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, que les nouveaux chargeurs vont être mis à l'épreuve. Les chargeurs vont ainsi être attachés aux bras des utilisateurs danseurs. Selon Orange, les prototypes de chargeurs auraient le poids de téléphone et seraient de la taille d'un paquet de cartes. Le système de poids et d'aimant à l'intérieur du chargeur va être mis en mouvement au rythme des mouvements, que feront les utilisateurs. En bougeant, ceux-ci vont remuer les aimants qui vont produire un courant électrique stockable par le chargeur. Celui-ci pourra ensuite alimenter le téléphone. La firme iSupply croit avoir trouvé la recette qui fait qu'Apple peut vendre son iPhone 3G moins cher que la précédente génération d'iPhone. Il n'est pas si coûteux que ça à produire. Selon la firme de recherche, l'iPhone 3G de 8 Go, le modèle le moins dispendieux, coûte 173 $ à Apple. À compter du 11 juillet, il sera vendu à 199 $ américains. Apple ne se contentera pas du maigre 26 $ de différence entre le prix de fabrication et le prix de vente. Les fournisseurs de services sans fil qui offriront l'iPhone, dont Rogers au Canada, vont subventionner le téléphone en le payant 300 $ de plus l'unité. De plus. Les fournisseurs de services sans fil récupèrent cette somme avec les contrats de services vendus aux clients. Les profits d'Apple par iPhone vendu seraient donc de 281 $ environ, ce qui représente un pourcentage de 56% semblable à celui qu'Apple engrange sur ses autres produits. Selon iSupply, les composants les plus chers de l'iPhone sont la mémoire flash de 8 Go à 22,80 $ et l'écran tactile à 20 $. La puce GPS, quant à elle, ne coûte que 3,60 $. L'estimation des coûts ne comprend pas le développement logiciel, l'emballage, les frais d'envoi et les accessoires, comme les écouteurs. La firme de recherche avertit toutefois que ces chiffres sont préliminaires et s'appuie sur une estimation virtuelle obtenue à partir d'informations disponibles sur l'appareil. iSupply promet toutefois d'ouvrir un iPhone quand il sera disponible sur le marché pour déterminer plus précisément le coût du téléphone. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas survivre sans les plans de messages texte parce que leur téléphone coûterait vraiment cher s'ils devaient payer pour chaque message texte. Mais une fille de l'Ohio envoie plus de textos par mois que toute la ville au complet de Trois-Rivières, probablement. Selon WEWS-TV à Cleveland, Paige Horn, 15 ans de Stark County en Ohio, envoie en moyenne 15 000 messages textes par mois. C'est une moyenne de 500 messages par jour. Et elle a réussi à garder son GPA, là, ses études à 3.0, en jouant aussi dans l'équipe de basketball et de volleyball de son école secondaire. Par rapport à sa technique, Horn a répondu « Je ne regarde pas le clavier. J'imagine que je téléphone depuis longtemps, ce qui fait que je sais où les boutons sont et comment les frapper, les taper. » Donc, très très bonne, très habile avec son téléphone cellulaire, mais quand même 500 messages par jour. 15 000 messages par mois, c'est beaucoup. Probablement qu'elle utilise son téléphone en marchant, dans la voiture, dans ses cours, même en dormant. Allez voir l'article qui vient de Switched.com pour une image et pour en savoir plus en lisant l'article de WEWS. Et finalement, les nerds qui ont beaucoup d'argent savent quoi faire avec leur argent à la NASA. le Advanced Supercomputing Division de la NASA à Ames a créé un Hyperwall 2 à 128 écrans. C'est un affichage gigagros qui peut afficher au-dessus d'un quart de milliard de pixels. L'Hyperwall 2 mesure 23 par 10 pieds. Oui, c'est ça, d'écran LCD qui fonctionne avec un GPU de 100, avec 128 GPU et 1024 processor cores, 74 téraoctets de power et 475 téraoctets pour le disque dur qui fait fonctionner tout ça. Le Hyperwall 2 est 100 fois plus fort que le Hyperwall 1 qui date de 2002. Je trouve ça intéressant, l'article vient aussi de Switched. Voilà pour le bloc science et technologie. Voici maintenant les logiciels les plus téléchargés sur download.com la semaine dernière. En cinquième position, c'est Avast Home Edition, un antivirus. En quatrième, c'est Avira Antivir Personal, aussi un antivirus gratuit. En troisième, Adaware 2008 pour enlever les espiogiciels. En deuxième, c'est pour trouver les MP3, LimeWire. Et en première place, le logiciel le plus téléchargé, c'est AVG Antivirus Free Edition, un autre antivirus avec plus de 3 757 000 téléchargements. Voici la Baroque Machine et pas de tes affaires, reste avec nous. Radio Carton commence dans 1 heure et 30 minutes au 89 FM en ce mardi 1er juillet. Restez avec nous, la connexion revient dans deux minutes au 89.1 FM. Bonjour, vous écoutez la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo en direct le mardi. Et d'ailleurs, le mardi, restez avec nous parce qu'à 13h, j'anime Radio Carton, l'émission spéciale du déménagement jusqu'à 19h. Donc ça, c'est aujourd'hui, juste après la connexion, en ce mardi. C'est génial. Reste avec nous aussi pour la chronique F5 Informatique. Dans quelques minutes, on va parler d'une vie qui a été échangée pour 389 000 $. Il y a aussi Windows 7, le prochain Windows, qui va être placé sous surveillance pour pas qu'il fasse quelque chose de pas correct avant même de sortir. La connexion, 89 FM. Nous aussi, il faut nous surveiller parce qu'on pourrait... Ninja! Battles avec Atlas à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Toujours avec Mathieu Plante. Il reste à peine 1h20 avant Radio Carton. Si vous écoutez le mardi, tous très excités ici à C'est fou. Gros événement, ça parle. Grosse émission de déménagement. Mais dans la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, c'est l'heure de la chronique F5 informatique. Donc, on commence avec la nouvelle qui a marqué pas mal de gens. Un homme récemment séparé de son épouse a vendu sa vie sur eBay pour 399 000 $ australiens ou 389 000 $ canadiens, selon l'agence France Presse. Ian Usher, un Britannique de 44 ans qui vit à Perth, en Australie-Occidentale, a décidé la semaine dernière de vendre sa maison, sa voiture, sa motocyclette, sa moto marine et presque tous ses autres biens matériels. L'offre de Ian Usher comprenait également la possibilité pour l'acheteur de prendre son travail de vendeur de tapis et de rencontrer ses amis. Dimanche, un individu a finalement pris possession de la vie du Britannique pour 399 $ australiens. Ian Usher a indiqué à l'agence France Presse que le montant était moins élevé que ce qu'il espérait car sa maison vaut à elle seule plus de 420 000 $australiens. Sans compter les milliers de dollars en meubles et autres biens électroniques. Et je cite, « Je pensais qu'Amy serait un petit peu plus haute sur la fin, mais c'est une vente. » Après la première journée d'enchères le 22 juin, Ian Usher avait constaté que les acheteurs lui proposaient jusqu'à 2,2 millions de dollars pour sa vie. L'homme de 44 ans s'était cependant rendu compte que le système d'inscription pour le dépôt d'offres n'était pas activé et que certaines propositions n'étaient pas sérieuses. Ian Usher souhaite maintenant passer à une autre étape de sa vie. Il ne garde que son passeport, les vêtements qu'il porte et son portefeuille. Il ne sait pas encore où il compte s'établir pour entamer sa nouvelle existence. Dans les derniers mois, plusieurs offres inusitées ont été proposées sur le populaire site d'enchères. Une mère a tenté le mois de mai dernier de vendre à la blague son bébé parce qu'il pleurait trop. En février, un Québécois souffrant de nésidioblastose a quant à lui offert son pancréas à la science en échange de 500 000 $. Il ne s'occupera plus des affaires courantes de Microsoft. Bill Gates, figure mythique de l'informatique, quittait vendredi dernier ses fonctions opérationnelles au sein du géant du logiciel qu'il a cofondé en 1975, une semi-retraite qu'il va mettre à profit pour se consacrer à sa fondation humanitaire. L'architecte logiciel en chef de Microsoft avait annoncé le 15 juin 2006 son intention de ne plus s'occuper qu'à temps partiel de sa société, dont il reste le président. Son départ survient au moment même où le géant informatique est confronté à la concurrence de Google sur le marché d'Internet et à d'autres difficultés. Depuis la création de Microsoft, Gates était le génie de la société, son gourou technologique, celui qui prenait ses décisions stratégiques. La firme dirigée par Steve Ballmer, son chef de la direction depuis 2000, devra désormais apprendre à vivre au quotidien sans lui. La saga Microsoft, cofondée par Gates et son ami Paul Allen, commence en 1975. Son premier produit, un langage informatique écrit pour l'Altair, une machine considérée comme le premier micro-ordinateur pour les particuliers. En 1980, IBM choisit Microsoft pour créer un système d'exploitation pour son premier PC. Microsoft achète le logiciel à 5 000 $ US à une autre société et le baptise MS-DOS, un produit qui fera la fortune de la firme. 5 ans plus tard, la société basée à Redmond, près de Seattle, Washington, livre sa première version de son système d'exploitation Windows et entre en bourse l'année suivante. En 1991, les systèmes d'exploitation Microsoft sont déjà utilisés par 93% des ordinateurs personnels. En 1995, c'est le lancement de Windows 95 et du logiciel de navigation sur Internet Explorer 2.0 destiné à concurrencer Navigator de Netscape. En 1998, le département américain de la justice et les ministres de la justice de 20 États américains portent plainte contre la firme, accusée d'entraver la concurrence pour protéger et étendre son monopole sur les logiciels. Un procès antitrust contre Microsoft s'ouvre le 19 octobre 1998 aux États-Unis. Le 7 juin 2000, le juge Thomas Penfield Jackson ordonne le démantèlement de Microsoft en deux sociétés distinctes pour violation de la loi antitrust. En appel, la justice américaine annule en 2001 le jugement de la première instance et décide de confier l'affaire à un nouveau juge. Finalement, le département de la justice renonce à demander le démantèlement de Microsoft et un accord à l'amiable est conclu le 2 novembre 2001 entre les deux parties. Microsoft accepte de renoncer à ses contrats d'exclusivité et fournira également des informations permettant à ses concurrents de fabriquer des produits compatibles avec Windows. En 2004, la Commission européenne inflige une amende record à Microsoft de 497 millions d'euros pour abus de position dominante. Sur le plan commercial, Microsoft lance la Xbox 360, une console de jeu, en 2005, et la dernière mouture de son système d'exploitation Windows Vista en 2007. En janvier dernier, la firme fait une offre de non sollicitée de rachat de Yahoo de montant de 44,6 milliards de dollars US, mais elle finit par renoncer après que le portail Internet eut refusé une nouvelle offre supérieure de 47,5 millions américains. L'un des hommes les plus riches du monde, Gates va désormais consacrer son temps à sa fondation caritative qui porte son nom et celui de son épouse, la Bill & Melinda Gates Foundation, dotée d'un budget de 38 milliards de dollars américains. Il veut faire de la stratégie et défendre la cause de son organisation, précise Patty Stonesifer, chef de la direction de la fondation. Il pourrait par exemple rencontrer des décideurs politiques et économiques pour leur demander de dépenser plus d'argent pour lutter contre la pauvreté, la faim et améliorer la santé dans le monde. Madame Stonesifer pense que Bill et Melinda Gates, mariés depuis 1994, travailleront plus qu'à mi-temps, j'imagine qu'il veut dire, mais moins qu'à temps plein. Le premier restera le président de Microsoft, tandis que Melinda va également consacrer du temps à leurs trois jeunes enfants. Voilà l'article historique de l'Associated Press. Toujours dans le domaine de Windows, après avoir eu quelques démêlés avec la justice américaine au sujet de ses précédents systèmes d'exploitation, Microsoft risque d'avoir le Department of Justice ou département de la justice américaine sur le dos pendant le développement de Windows 7, Windows 7, le successeur de Windows Vista. Plutôt que d'intervenir après coup et après sortie, le Department of Justice a en effet décidé de s'impliquer directement dans la surveillance du nouveau système pendant son développement. Sont placés sous surveillance les intégrations des logiciels et services suivants, Outlook, Internet Explorer, Windows Live Messenger, Windows Media Player et tous les autres logiciels de la gamme Live de Microsoft. Bien que pour l'instant rien de particulier n'a été souligné par le DOJ, certains craignent que cette surveillance rapprochée provoque un retard de sortie du système d'exploitation convoité. Si bien que Windows 7 ne pourrait ne pas voir le jour en 2009 comme prévu, donc affaire à suivre, l'article vient de Clubic.com. Un haut dirigeant de BCE a été nommé directeur financier de Google, le géant américain d'Internet. Patrick Pichette, président de l'exploitation chez Bell Canada, occupera son nouveau poste à partir du 12 août. Le Montréalaise BCE tente présentement de conclure sa vente à un groupe d'investisseurs dirigé par le régime de retraite des enseignants de l'Ontario, la Teachers. M. Pichette aura dorénavant pour supérieur immédiat le président du conseil et chef de la direction de Google, Eric Schmidt. Et je cite, « Google est une grande compagnie et une marque phénoménale et une équipe de gestion exceptionnelle », a-t-il déclaré dans un communiqué. « En tant qu'avide utilisateur des produits Google, j'admire la compagnie depuis plusieurs années. Je suis excité à l'idée de travailler avec mes nouveaux collègues à Mountain View et autour du monde. » On peut imaginer qu'il est aussi très excité du salaire qu'il va faire là-bas. L'ingénieur créatif d'Amnesty International ont fait un coup futé sur eBay pour dénoncer l'esclavage. Lundi et mardi de la semaine dernière, 200 membres d'Amnesty International ont mis en ligne sur eBay des fausses annonces. Un internaute qui furetait sur le site d'enchères pouvait par exemple croiser l'annonce suivante. Mercedes 1986 à vendre en excellent état. L'annonce ne conduisait pas à une fiche décrivant la berline allemande, mais bien à une page d'information sur l'esclavage et la traite des femmes. Des objets faussement mis en vente par Amnesty International allaient des antiquités aux appareils ménagers en passant par les instruments de musique. Leur point commun, tous portaient un prénom féminin. C'est le bureau suisse de l'Association de défense des droits de l'homme qui a imaginé ces fausses annonces. eBay a rapidement découvert l'astucieux stratagème et a supprimé toutes les annonces concernées après leur mise en ligne. Amnesty International n'a pas manqué de considérer eBay trop vite en besogne, et je cite, « Comme notre action était prévue sur une durée limitée à 3 jours, nous imaginions que eBay fermerait les yeux », a déclaré Manon Schick, porte-parole de l'organisation en Suisse. L'article vient de Canoë. Trevor Daugherty, dans une nouvelle un petit peu plus légère, un jeune cinéaste âgé de 16 ans, originaire d'Ithaca dans l'État de New York, a accompli grâce à l'Internet un exploit qui lui vaudra peut-être une apparition dans le livre record de Guinness, livre Guinness des records, comme on l'appelle. En effet, grâce à la publicité qu'il a faite sur YouTube et sur Facebook, il est parvenu à réunir près de 6000 personnes qui ont formé pendant quelques instants un immense signe de paix. L'équipe de Guinness examine actuellement le cas. Tout a commencé il y a un an lorsque Trevor a enregistré une vidéo où on pouvait entendre que partout dans le monde, des gens meurent. On devrait mettre fin aux violences et lutter pour la paix. Sa vidéo a ensuite été nominée au premier YouTube Video Awards, ce qui a permis à 200 personnes de répondre par vidéo au message de Trevor. Il s'est ensuite servi de la visibilité reçue pour réunir des gens via YouTube et Facebook. Tout le monde a bien collaboré, excité à l'idée de participer à un record Guinness. Plusieurs vidéos de l'événement ont été réalisées et Trevor est maintenant connu au Pakistan, en Inde et en Corée, donc son objectif est atteint. Le jeune Trevor vise à une carrière en relations internationales et est convaincu que sa passion pour les communications est un atout considérable. Et finalement, on revient sur une nouvelle dont on parlait la semaine dernière à la connexion. Réunie à Paris pour sa 32e réunion internationale, le conseil d'administration de l'Internet Corporation for Sign Names and Numbers, l'ICANN, a adopté à l'unanimité la création de nouveaux noms de domaine ou de nouveaux suffixes. L'organisme chargé de gérer les adresses Internet au niveau mondial, l'ICANN, approuve de nouveaux noms de domaine basés sur des noms communs, des marques, des noms de compagnies, des villes et des noms propres. Donc, jusqu'à présent, toutes les adresses Internet se retrouvaient sous une série de dénominateurs communs, dont 240 noms de domaine de pays et 20 noms de domaine génériques, dont les .com, .net, .org, .gov ou .edu. De plus, l'ICANN a également voté à l'unanimité en faveur du développement de noms de domaine en caractères non latins, par exemple en chinois, cyrillique ou arabe, selon l'agence France-Presse. Et je cite... Nous pensons que c'est une grande opportunité pour le secteur et nous sommes très enthousiastes. Toutefois, il y a actuellement plus de 160 millions de noms de domaine et je ne m'attends pas à voir le même nombre de nouvelles extensions créées en 2009, a expliqué le président de l'ICANN. Cette ouverture de l'ICANN à de nouveaux noms de domaine a soulevé des inquiétudes, notamment face à l'usurpation de noms de marques. L'ICANN devrait par ailleurs se pencher sur une réglementation concernant les noms de domaine portant atteinte à l'ordre public ou à la morale si la mise en vigueur de l'ouverture prévue d'ici un an. Dans une entrevue accordée mardi à mailclub.info, Paul Toomey a déclaré que le prix de création de ces nouveaux noms de domaine sera élevé. Donc, tout le monde disait, et là, vraiment, j'ai lu ça partout, là, qu'on pourrait faire, par exemple, je sais pas, connexion.cfou, tu sais. Mais non, les tarifs ne sont pas encore publiés, mais on peut s'attendre à un nombre dans les 6 chiffres en dollars américains, donc 100 000 $ peut-être, et même peut-être plus. Donc, je penserais pas qu'on voit tant de nouveaux noms de domaine que ça. Moi, je dis que peut-être que plusieurs compagnies vont s'associer pour acheter un, je sais pas, un point ordinateur ou un point quelque chose qui aurait de l'allure pour leur compagnie. On va voir avec le temps, d'accord? Voilà pour le bloc F5 informatique. Voici maintenant les mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième, on monte avec Hotmail. En quatrième, on monte aussi avec Canada MapQuest. En troisième, c'est stable, c'est accéder. En deuxième, ça descend les packs. Et la première position est occupée encore une fois. Et là, ça monte. C'est Météo Média. Vous écoutez la connexion 89.1 FM. Voici la descente du coude. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. C'est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en ordre, je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma voix. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus et cette tour de langue. Le tourbillon de la parole du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en top. Je suis à l'ordre. Dans le talon. La descente du coude avec Hobbies à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est le genre de musique que vous allez entendre dans le spécial Radio Carton en ce mardi à partir de 13h. Il ne reste qu'une heure, 5 minutes avant le début de cette émission spéciale grandiose présentée par Pizza Salvatore. Mais nous, pour l'instant, c'est l'heure de continuer la série en concert. On est en plein cœur de Heavy Troopa is Ready to Launch, une série qui rend hommage à Super Mario RPG. On est rendu à la 7e pièce. Voici A Linear Particle avec Invisible Star, suivi de DJ Robo Rob avec Hello Happy Kingdom. À la connexion au 89.1 FM. DJ Robo Rob avec Hello Happy Kingdom, précédé de A Linear Particle avec Invisible Star. Invincible Star, c'est de la série Heavy Troopa is Ready to Launch. On va continuer ça un petit peu plus tard avec beaucoup d'autres pièces pour terminer l'émission de cette semaine. Mais entre autres, dans la deuxième heure, il va aussi y avoir la chronique bientôt sur vos écrans. Vous allez apprendre sur quoi vous allez dépenser dans les prochaines semaines. Et aussi la chronique Cybercrime. Restez avec nous. La connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. L'émission la plus rapide au monde au 89.1 FM. C'est fou ça! Dash.com. Hey, you tired of hearing the same old crap? Well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight Outta Compton. Straight Outta Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize the same time. Sorry Miss Jackson. I'm the mighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls, Girls. girls, it's girls, I'll do it, yo. You put your name on this paper, cause I would love to date you, holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95, yes, $29.95, phone now, 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Branchez-vous à la connexion en direct tous les mardis à partir de 11h. On rappelle les jeudis à 11h et les lundis à 10h. D'ailleurs, aujourd'hui, mardi 1er juillet, si vous êtes en direct, restez avec nous parce que dans moins de 57 minutes, oui, ça va être Radio Carton, l'émission du déménagement présentée par Pizza Salvatore. Je l'aime ça jusqu'à 19h ce soir. Donc, restez sur les ondes de C'est fou toute la journée. Ça va être très, très bon. Dans quelques minutes à peine, on va faire le bloc cybercrime et le bloc bientôt sur vos écrans. Mais avant, on continue notre série en concert. Avi Troupa is ready to launch. Voici Sean Carley avec Cloco of Croakers. Et on parlera de la série en détail tantôt au 89.1 FM. C'est fou ça! www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. Sean Carley et Cloco of Croakers. Ça vient de la série Heavy Troupa is ready to launch. Allez voir le www.unechance.com pour télécharger cette série hommage à Super Mario RPG Legend of the Seven Stars qui est sortie sur Super Nintendo en 1996 avec Nintendo et Squaresoft. C'est trois albums complets de bonne musique basés sur Mario RPG. Donc, ça n'a pas le choix d'être bon, n'est-ce pas? Maintenant, voici le bloc Cybercrime. Voilà des nouvelles qui sont croches, des choses qui ne devraient pas arriver, des choses justicières sur l'Internet, comme on l'appelle. On commence avec un employé de Service Canada qui a perdu une clé USB. Mm-hmm. Importante, cette clé USB. Une clé donc contenant des renseignements personnels sur plus de 1500 Canadiens a été perdue par un employé de Service Canada en mars dernier, selon Radio-Canada. Le nom de ces 1500 Canadiens accompagnés de leur numéro d'assurance sociale se trouvait sur la clé. L'agence a fait parvenir aux personnes concernées une lettre leur expliquant la situation et leur demandant de vérifier leur compte bancaire et leur dossier de crédit. Selon l'une des victimes qui a demandé à l'agence pourquoi les données contenues sur la clé n'étaient pas protégées, Service Canada ne voulait pas investir pour assurer la sécurité des renseignements. Bravo! Très bonne idée! Jusqu'ici, aucun vol d'identité n'aurait été signalé, mais une enquête a été ouverte par Service Canada. Ah, j'aime ça! Trop cher, la sécurité, tu sais, pas grave ça, une clé USB, voyons donc, mettre ça sur une disquette, là, wow, oui, ça, hein? J'ai pas de problème avec ça. L'un des administrateurs d'un populaire site Internet de peer-to-peer, de partage de fichiers, vient d'être reconnu coupable de complot et de viol de droits d'auteur. Daniel Dove était l'un des administrateurs du site peer-to-peer Elite Torrents, qui se spécialisait dans la distribution sur le web de films encore dans les salles de cinéma. Plus de 125 000 internautes étaient membres d'Elite Torrents et se partageaient 700 films qui auraient été téléchargés plus d'un million de fois. Selon l'équipe de procureurs, l'homme de 26 ans dirigeait plus particulièrement un groupe de téléverseurs ou de uploaders et était responsable de recruter de nouveaux membres qui disposaient d'une connexion Internet à haut débit. Daniel Dove était également l'opérateur d'un serveur dédié au bon fonctionnement d'Elite Torrents. Daniel Dove a été arrêté en 2005 lors d'une importante opération policière contre des pirates informatiques appelés The Elite. Il est la huitième personne arrêtée par les policiers lors de cette opération à être reconnue coupable. La Motion Picture Association of America a été très active pour fournir des preuves aux policiers contre ces huit pirates. Daniel Dove devra se présenter en cours le mois de septembre prochain pour entendre sa sentence. Selon le département américain de la justice, le pirate pourrait passer jusqu'à 10 ans derrière les barreaux pour ses crimes. Le site d'enchères eBay poursuivi pour contrefaçon et vente illicite a été condamné par le tribunal de commerce de Paris à verser près de 40 millions d'euros ou 64 millions de dollars canadiens de dommages et d'intérêts à 6 marques du groupe de luxe LVMH. Dans l'ensemble de ces dossiers, le tribunal a estimé qu'eBay avait commis des fautes graves en autorisant la vente des produits contrefaits et en portant atteinte au réseau de distribution sélective des marques Louis Vuitton Maltier et Christian Dior Couture, ainsi que des parfumeurs Kenzo, Christian Dior, Givenchy et Guerlain. eBay a annoncé sa décision de faire appel. Nous nous battrons au nom des utilisateurs d'eBay, a indiqué une porte-parole du site d'enchères, dénonçant une volonté de LVMH de protéger des pratiques commerciales excluant toute concurrence. eBay a été condamné à verser à Louis Vuitton Maltier 19,28 millions d'euros, essentiellement en réparation des préjudices d'image et morale liés à la vente d'articles contrefaits. Le site d'enchères est également condamné à verser à Christian Dior Couture 17,3 millions d'euros pour les mêmes faits. Là, on continue avec les chiffres là-dedans. Dans ce dossier, le tribunal enjoint eBay de cesser et d'interdire sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard la diffusion d'annonces portant sur des produits de cosmétiques et de parfumerie de ces quatre sociétés ou de produits présentés comme tels. L'ensemble de ces montants devront être versés solidairement par la maison mère américaine eBay Inc. et sa filiale suisse eBay AG. LVMH pourra publier dans trois journaux français et ou internationaux ses décisions. Le site eBay devra quant à lui faire sur l'ensemble de ses sites pendant trois semaines à partir de cette décision en langue française et anglaise, donc ils vont devoir afficher des messages. Ces marques du leader mondial du luxe réclamaient au géant américain de l'Internet eBay Inc. et à sa filiale suisse eBay AG quelques 80 milliards de dollars canadiens selon diverses sources proches du dossier. Elle accuse d'avoir en connaissance de cause laissé les internautes vendre sur ses sites de faux sacs, bâtons de rouge à lèvres, parfums ou encore vêtements de prêt-à-porter. Parallèlement, elles estiment que la vente de ces produits, même lorsqu'ils sont authentiques, déroge au système de distribution de cosmétiques et parfums de luxe par des revendeurs agréés. Et finalement, les fondateurs du site ConnectU, qui accusent Facebook d'avoir plagié leur idée, se sont fait rabrouer par un juge. Les responsables de ConnectU affirment depuis longtemps que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a volé leur idée alors que tous étudiaient à l'université Harvard. L'affaire s'est retrouvée devant les tribunaux jusqu'à ce qu'une entente à l'amiable survienne entre les deux parties en avril dernier. Les détails de cette entente n'ont pas été dévoilés. Mais voilà que Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss et Divya Narendra sont revenus à la charge en affirmant que dans l'entente conclue, Facebook avait fait de fausses représentations quant à sa valeur financière. ConnectU était apparemment déçu que l'évaluation de Facebook ne soit pas, comme les médias le rapportaient l'an dernier, de 15 milliards de dollars, mais bien... la phrase se termine là. Dans sa décision, le juge note que le conseil d'administration de Facebook a déterminé une valeur qui était différente de celle dévoilée à la presse. La décision du juge de San Jose ne dit rien sur la valeur attribuée au site par son conseil d'administration, mais le juge James Ware a réaffirmé dans sa décision que l'entente à l'amiable conclue entre Facebook et ConnectU était valide. Facebook s'est réjoui de cette décision et je cite « Les fondateurs de ConnectU étaient représentés par 6 avocats et un professeur de la Wharton Business School quand ils ont signé l'entente. Ils comprenaient l'entente qu'ils faisaient. » Nous considérons ce chapitre clos et souhaitons aux frères Winklevoss la meilleure des chances dans leur futur projet, conclut Facebook. Voilà, l'article vient de Cyberpresse via, non en fait du New York Times via Cyberpresse. Voilà pour le bloc Cybercrime, les nouvelles pas correctes d'Internet. Maintenant voici le top 5 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. Les gens trouvent des trucs pour battre leurs jeux sans trop se forcer. En 5e, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En 4e, Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. En 3e, c'est Final Fantasy Tactics et tout sur la Nintendo DS. En 2e, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Et le jeu le plus triché en ce moment sur GameFAQs.com. Oh, attention! C'est Metal Gear Solid 4 sur la PlayStation 3. On continue notre série en concert. Voici Platformer avec Radpole Pond. Oh que oui! Let's go! Ce sera suivi de Choc. Restez là, c'est la connexion au 89.1 FM. Woo! Fire! Roar, roar, roar! Melon avec Sad Song, ça vient de la compilation Heavy Troopers Ready to Launch, un hommage à Super Mario RPG. Trouvez le lien et téléchargez cette collection en trois disques sur le www.unechance.com. Maintenant, voici bientôt sur vos écrans. On commence avec les nouveautés en magasin cette semaine selon rgamers.com. Encore une grosse semaine avec NASCAR 09 sur PS2, PS3 et Xbox 360 et Dragon Ball Z Burst Limit sur PS3 et Xbox 360. Ça, c'est pour les multiplateformes. Du côté de la Nintendo DS, on retrouve Looney Tunes Cartoon Conductor de Eidos et Jake Hunter Detective Chronicles de Axis Games. Sur PC, EVE Online Empyrean Age, The Incredible Hulk de Sega, Total Extreme Wrestling 2008, Insecticide de Gamecock et Trains de Complete Connection de Paradox. Sur PlayStation 3, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots de Konami. Sur la Nintendo Wii, Backyard Baseball 2009 de Atari et Blastworks Build, Trade, Destroy de Majesco. Et finalement sur Xbox 360, la seule et unique sortie est Donkey Kong Presents Prize Fighter de 2K Sports. Nintendo a ajouté quelques titres à son service WiiWare et à la Virtual Console, bien que ce ne soit qu'un seul nouveau titre sur chacun de ces services. Donc sur WiiWare, vous pouvez mettre la main sur Magnetica Twist, qui est un jeu paru sur Nintendo DS avec au passage quelques petites modifications. Vous devrez utiliser la Wii Remote afin de lancer des boules de couleurs à partir d'un canon dirigé par votre Mii, votre petit personnage que vous avez créé. Du côté de la console virtuelle, vous pouvez vous amuser avec Fatal Fury 2, qui est un jeu paru en 1992 qui vous permettra de combattre en incarnant l'un des 8 combattants Zopher. Ça, c'est sur Virtual Console et WiiWare. Du côté du PlayStation Network, quelques nouveaux trucs à télécharger, dont des démos de Hot Shots Golf, Out of Bounds et Top Spin 3, quelques add-ons, dont quelques nouvelles chansons pour Rock Band, l'album Doolittle des Pixies pour Rock Band, I Am Murloc, la musique de World of Warcraft pour Guitar Hero 3, ça c'est gratuit en passant, et le nouveau personnage Nigel pour le jeu Pain, qui coûte 1$. Quelques vidéos de jeux, là, je ne vous les nommerai pas toutes. Quelques bandes annonces de films, quelques thèmes et un jeu pour la PSP Medieval Resurrection qui coûte 15$ et vaut presque 881 MB. Voilà maintenant la grosse nouvelle lorsqu'il s'en vient un petit peu plus tard sur vos écrans. Blizzard Entertainment a dévoilé Diablo 3, le nouvel épisode de cette série de jeux de rôle et d'action salué par la critique. L'annonce a eu lieu au cours du Blizzard Entertainment Worldwide Invitational 2008 à Paris, en France. En fin de semaine dernière, le jeu a été présenté aux milliers de joueurs présents. Diablo 3 reprendra l'histoire 20 ans après les événements de Diablo 2. Mephisto, Diablo et Baal ont été vaincus, mais la pierre monde qui protégeait autrefois les habitants du monde de sanctuaire des forces des hauts cieux, comme celle des enfers ardents, a été détruite et le mal s'est réveillé une nouvelle fois à Tristram. En jouant un héros de l'une des 5 classes de personnages différentes, les joueurs acquériront de puissants objets, sorts et compétences au cours de leur exploration de zones nouvelles ou déjà connues de sanctuaires pour affronter les hordes de démons et protéger le monde des horreurs qui sont apparues. Les deux premières classes de personnages, le barbare et le sorcier docteur, ont été montrées lors de l'annonce au WWE à Paris. Diablo 3 comprendra un moteur graphique 3D spécifique afin de rendre les zones en intérieur et en extérieur très riches de sanctuaires avec un grand niveau de détail et des effets spéciaux saisissants. Les environnements du jeu animés par un moteur physique seront interactifs et pourront être détruits, offrant des pièges et des obstacles qui créeront un danger supplémentaire pour les joueurs comme pour les monstres. Ces éléments, accompagnés d'un nouveau système de quêtes et d'événements scénarisés aléatoires, seront intégrés dans le générateur de niveaux aléatoires du jeu, offrant à Diablo 3 la combinaison ultime en termes de dynamique de jeu et de renouvellement. Des modes coopératifs et compétitifs seront disponibles en ligne grâce à une nouvelle version du célèbre service de jeu en ligne de Blizzard Entertainment qui s'appelle Battle.net. Lancé fin 1996, le jeu Diablo original a contribué à populariser le genre du jeu de rôle et d'action et fut un grand succès critique autant que commercial. Sa suite, Diablo 2, sortie en 2000, a reçu un accueil similaire, remportant plusieurs prix du meilleur jeu de l'année et devenant à l'époque le jeu pour ordinateur vendu le plus rapidement de tous les temps. L'extension de Diablo 2, Diablo 2 Lord of Destruction, lauréate de nombreux prix, a été lancée en 2001 pour devenir le 6e numéro 1 des ventes consécutives de Blizzard Entertainment. À ce jour, la gamme s'est vendue à plus de 18,5 millions d'exemplaires dans le monde. Le thème d'horreur gothique de Diablo a également inspiré un certain nombre de produits sous licence, dont des romans et des figurines. Blizzard Entertainment développe Diablo 3 en vue d'une sortie simultanée pour les plateformes Windows et Mac. De plus amples informations sur le jeu, y compris les détails sur les autres classes de personnages, les principales caractéristiques des modes solo et multijoueurs, la configuration système requise, le prix et la disponibilité sont annoncés au fur et à mesure que le développement avancera. Mais pour en savoir davantage sur Diablo 3, vous pouvez visiter le Diablo3.com. Diablo3.com, d'ailleurs, dans l'article de jouer.com qui s'appelle Blizzard lève enfin le voile sur Diablo 3. J'ai posté l'article sur le site et sur le site, il y a les vidéos extraits du jeu. Il y en a plusieurs, trois, donc allez-y si ça vous intéresse, c'est Diablo 3. J'ai posté un deuxième article de Clubic.com aussi avec des photos et des vidéos. Tout ça est très intéressant, n'est-ce pas? Harmonix, MTV Games et Electronic Arts ont annoncé et ils ont dévoilé quelques détails sur Rock Band 2. On y apprend entre autres que le jeu fera ses débuts dès septembre sur Xbox 360. La console de Microsoft vendra exclusivement le jeu lors de son lancement, mais Rock Band 2 sera disponible pour les autres consoles plus tard dans la même année. Le contenu du catalogue de chansons téléchargeables sera entièrement compatible avec le premier Rock Band. En effet, toutes les chansons achetées et téléchargées se chargeront dans l'inventaire musical de Rock Band 2 une fois le disque lancé. De nouveaux modes en ligne sont prévus afin de regrouper encore plus la communauté de joueurs, que ce soit globalement ou de manière plus locale. De plus, de nouveaux périphériques seront également disponibles. Les guitares et batteries du premier Rock Band fonctionneront avec le nouveau jeu, mais si ça vous intéresse, les nouveaux périphériques promettent une amélioration des fonctionnalités et un nouveau design. Le communiqué n'entre pas plus dans les détails. Rock Band 2 sera dévoilé lors du E3 Media Summit de juillet. Harmonix, MTV et EA pourront d'ailleurs profiter du fait qu'Activision ne soit pas présent à cette exposition pour avoir toute la place ou presque côté jeux musicaux. L'article vient de hardgamers.com. SNK Playmore USA et Ignition Entertainment ont annoncé qu'elles lanceront le 7e jeu de la série Metal Slug sur une console qui lui conviendra plutôt bien. Les firmes mettront en vente Metal Slug 7 sur la console Nintendo DS. Proposant le même style d'action 2D que ses prédécesseurs, Metal Slug DS vous permettra d'incarner Marco, Tarma, Harry, Fiolina, Clark et Ralph, alors que ces derniers, les Modern Forces à travers divers environnements. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les Modern Forces à travers divers environnements? Au total, le jeu proposera 7 missions ainsi que plusieurs nouveaux slugs à piloter. De plus, les boss colossaux ainsi que de nouveaux modes de jeu seront offerts afin de garder vif votre intérêt. Ce sera lancé cet automne. Ubisoft a annoncé qu'elle ramènera la franchise Prince of Persia, le prince du Persie, pas vraiment, mais sur Nintendo DS avec The Fallen King, ce sera le nom du nouveau jeu. Donc dans un style un petit peu plus classique. En effet, le prochain jeu de la série ne sera pas semblable à Battles of Prince of Persia qui offrait un style stratégie, mais plutôt aux autres jeux de la franchise qui proposent un mélange d'action et de plateforme. Développé par Ubisoft à Casablanca, Prince of Persia DS, donc The Fallen King est son vrai nom, complétera le très attendu Prince of Persia Prodigy. Vous y incarnerez le prince sans nom alors qu'une substance noire nommée Corruption a envahi et contaminé un royaume dans le désert. S'aventurant dans ce dernier, le prince y fera la rencontre du mage, une créature contaminée lui promettant néanmoins le salut. Toutefois, sous cette alliance étant le seul espoir du prince, se cache peut-être un danger beaucoup plus grand que le héros sans nom ne peut l'imaginer. Prince of Persia, The Fallen King sera lancé vers la fin de l'année. De nouveaux détails ont été annoncés sur les produits de la gamme Play-All exclusif à la Nintendo Wii. Les jeux produits sous la bannière Play-All auront donc des contrôles distincts, une présentation unique et une jouabilité permettant aux joueurs de tous les niveaux d'habileté de jouer ensemble. Donc voici la liste des dates de sortie des futurs titres Play-All de EA Sports. Il va y avoir NCAA Football 09 All Play le 15 juillet, Madden NFL 09 All Play le 12 août, Tiger Woods PGA Tour 09 All Play le 26 août, NBA Live 09 All Play en octobre 2008, le 7, si c'est en Amérique du Nord, et le 14 octobre au niveau mondial, et FIFA Soccer 09 All Play le 14 octobre. D'ailleurs, tous les jeux vont être mis en vente au ridicule prix de 50$. La série Mega Man retourne à ses sources, mais peut-être pas sur la plateforme que vous pensez. En effet, la dernière édition du magazine Nintendo Power nous apprend que Capcom compte lancer Mega Man 9 sur le service WiiWare de la Nintendo Wii. Selon les informations disponibles, Mega Man 9 sera un jeu d'action comme les bons vieux Mega Man d'antan. D'ailleurs, selon les images du magazine, le jeu proposera des graphiques comme ceux des premiers Mega Man parus sur NES, donc très très très très rétro. De nouveaux ennemis devraient également faire leur apparition au sein du jeu, dont Galaxy Man, Plug Man et Hornet Man. On ne sait pas quand sera lancé Mega Man 9 pour le moment. À noter, par contre, que le studio Inti Creates se charge de sa conception. Ce dernier est formé de concepteurs ayant travaillé sur les trois premiers jeux de la série Mega Man X et ayant créé Mega Man Zero ainsi que Mega Man ZX. Le site rgamers.com a tous les détails. Bien qu'il soit connu comme qu'il soit connu depuis quelques temps, Warner Brothers Interactive a officiellement annoncé qu'il y aura un jeu basé sur les records Guinness sur les consoles Wii et Nintendo DS, portant le simple nom de Guinness World Records de Video Game et développé par TT Games. Ce jeu vous permettra de briser différents records mondiaux dans le confort de votre salon. Vous pourrez ainsi devenir une légende seule, en groupe ou encore via des compétitions féroces en multijoueur. Parmi les défis proposés, vous aurez notamment à garder votre équilibre sur une mince corde alors que vous franchirez le Grand Canyon. Guinness World Records de Video Games sera lancé cet automne et on ne sait toujours pas si l'animateur de l'émission de TQS va être de retour à la barre. C'était qui déjà? En tout cas, chose. Activision a annoncé le développement d'un autre opus à la franchise Dancing with the Stars, et ce pour les consoles Wii et Nintendo DS. Vous connaissez Dancing with the Stars au Québec sous le nom de Le Match des Étoiles avec Norman Brathwaite. Intitulé Dancing with the Stars, Get Your Dance On, ce jeu vous permettra de danser avec des vedettes à travers des compétitions intenses où seront proposées de nouvelles chansons. Parmi les vedettes présentes dans le jeu, vous retrouverez Mel B des Spice Girls, Apollo Anton Ono, Joey Fatone et Johnny Garth, en plus de danseurs professionnels tels que Derek Ho et sa sœur Julian Ho. La version Wii proposera des contrôles améliorés par rapport à son prédécesseur. De plus, vous pourrez exécuter de nouveaux mouvements spéciaux afin d'impressionner les juges. Quant à la version DS, elle vous permettra entre autres de changer de costume et de partenaire selon votre bon vouloir. Dancing with the Stars, Get Your Dance On sera lancé cet automne. Et finalement, à en croire la dernière édition du magazine américain Nintendo Power, un Castlevania sur Nintendo Wii serait en préparation chez Konami. Plusieurs personnages emblématiques de la série, comme Dracula, Alucard, ça c'est Dracula à l'envers, Simon Belmont, Maria Renard ainsi que Chanois du futur Order of Ecclesia devraient tous être présents, tout comme les cœurs et les armes secondaires comme la dague, l'eau bénite, le boomerang. On aurait également le droit à des thèmes classiques remixés de la série, des pièges, des environnements destructibles et une maniabilité pensée pour la Wiimote et le Nunchuck. Jusqu'ici tout va bien, mais voilà, ce serait un jeu de combat en 3D. Oui, un jeu de combat de Castlevania. Et là, on espère qu'il s'agira d'un simple mode bonus plutôt que d'un vrai Castlevania. L'article vient de Game Cult. Voilà pour le bloc. Bientôt sur vos écrans, voici les jeux les plus recherchés sur le OneUp.com, les jeux les plus populaires selon les internautes. Les internautes, ça c'est les autres gens qui vont sur Internet. En cinquième position, on retrouve Two Human sur la 360. En quatrième, c'est Metal Gear Solid 4 sur la PS3. En troisième, Gears of War 2 sur la 360. En deuxième, le nouveau Tomb Raider sur la PS3. Et en première place, c'est Diablo 3 sur le PC pour le 1er juillet. Restez avec nous dans 30 minutes, c'est Radio Carton. Hein? On n'oublie pas, le décompte est enclenché. 30 minutes. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est ici bébé. Une, deux, trois, quatre. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Où est la piscine? Pas dans moi. Où est la piscine? Splash Splash. Hein? Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Mathieu Plante, l'émission la plus rapide au monde dans vos oreilles. Dans à peine 24 minutes, c'est le début de Radio Carton. Si vous écoutez le mardi, c'est notre grosse émission spéciale de déménagement que j'anime pendant 6 heures jusqu'à 19 heures. Il va y avoir de la pizza gratuite de la part de Pizza Salvatore. Donc, soyez avec nous à partir de 13 heures. D'ici là, il va y avoir la chronique Go Go Gadget. On va aussi faire un tour du net et souhaiter bonne fête à quelques jeux et personnes. Alors, restez avec nous pour l'instant. On continue la série en concert. Hein? Heavy Trooper is ready to launch. On est rendu à la formation Hat, ou au moins l'artiste Hat. Voici The Road is Full of Dangers. À la connexion, visitez le www.unechance.com pour tous les détails sur l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger cette collection. What? Chris Porter et Let's Play in the Orchestra Pit Gino de la collection Heavy Troopers Ready to Launch, un hommage à Super Mario RPG. Le site est sur lunechance.com. Vous pouvez cliquer dessus et télécharger la compilation complète. Maintenant, voici la chronique Go Go Gadget. Go Go, ton chapeau! Go Go, gadget au poing! Qui c'est? Élastique au gadget! Vous connaissez les power bars pour vos appareils électroniques? Il y en a tellement de différentes sortes. On en parle souvent ici à la collection de nouveaux gadgets comme ça. Mais le Check Tap a l'air d'être juste une autre power bar bien normale. Mais celle-ci se branche par USB à votre ordinateur. Elle peut être contrôlée. Le logiciel peut contrôler, dans le fond, chaque prise, à quelle heure elle s'éteint, à quelle heure elle s'allume. Donc, au lieu de laisser vos appareils en mode stand-by, comme par exemple votre portable ou n'importe quoi, eh bien, l'application vous permet de donner un horaire, l'allumer, l'éteindre et vous dit même l'énergie que vous allez économiser avec votre configuration. Il y a même un petit arbre virtuel qui pousse à différents rythmes dépendant des émissions de CO2 que vos appareils ont réussi à sauver. Voilà. Le CheckTap a été fabriqué ou designé par, par Lee Jiang-so de Inca Solution Limited. Ça a gagné le grand prix au 2008 Exhibition of Inventions à Genève. Et le site web dit que ça peut réduire votre consommation d'énergie de tous les appareils jusqu'à 70% comparé au mode standby. C'est pas encore disponible en vente, mais il y a un site web officiel avec des informations et des vidéos. C'est le checktap.com. Ensuite, vous aimez peut-être ça, comme moi quand j'étais jeune, quand vous faites des toasts, des rôtis, de ne pas les laisser finir et de juste tirer sur le bouton pour que la toast revole dans les airs et l'attraper. Dans ce cas-ci, le gars a fait un toaster géant. Hein? Et en plus, non seulement les tranches de pain vont revoler plus haut à cause de la dimension de l'appareil, mais il y a un genre de système de gaz de CO2 à haute pression et on a un bras mécanique qui pousse les rôtis vers le haut, donc vous allez probablement devoir courir après. C'est juste un genre de gadget le fun qui a été inventé pour aucune vraie raison, mais c'est intéressant. Et le même gars, d'ailleurs, a fait une horloge précise au millième de seconde, au millionième de seconde même. C'est un gars qui aime les choses qui sont les plus quelque chose du monde, les plus gros, les plus grands, les plus ci, plus ça. Donc, la vidéo sur le site unechance.com, allez dessus. Et tellement que les millionièmes de seconde vont vite, on les voit même pas passer, c'est comme un genre de flou. Donc, le gars, il a mis un bouton pause sur son horloge pour pouvoir arrêter les millionièmes de seconde. Donc, si vous avez un contrat avec une compagnie et que vous voulez charger au millionième de seconde, mais vous allez pouvoir le faire dans le futur. Donc, the fastest clock in the world. Ensuite, pour les gens, je dirais pas les paranoïaques, mais les gens qui sont un petit peu... ceux qui croient que le gouvernement ou les extraterrestres ou la mafia les espionnent et que vous êtes riches aussi, ces gens-là, si vous êtes riches, vous allez pouvoir acheter le Quantum Sleeper qui permet de vous de dormir dans la sécurité totale. Un lit qui fait un petit peu peur. Et donc, les options, il y a un genre de shield, comment on appelle ça, un shield, à l'épreuve des balles, fait en polycarbonate. Je sais pas comment on dit ça en français non plus, mais 1,25 pouces d'épais. Ventilation filtrée par biochimie, système de toilette, micro-ondes et plus inclus dans un lit qui se ferme comme une boîte. Donc, si vous n'êtes pas claustrophobe, que vous êtes riche et que vous êtes paranoïaque, c'est le Q-Sleeper, Quantum Sleeper. Le site web est le qsleeper.com, il faut le voir pour le croire. Si vous êtes d'une famille avec beaucoup d'enfants, là, vous savez que c'est difficile des fois d'avoir l'attention de maman. Maintenant, il existe le Mommy Megaphone. Oui, 10 watts, qui est beaucoup moins que le 100 watts de votre radio de voiture, probablement. Mais bon, ça coûte 40$ et c'est pour littéralement attirer l'attention de maman. Donc, le Mommy Megaphone, c'est un mégaphone, là, comme on crie dedans. C'est juste vraiment drôle. Si vous êtes sur une diète, vous êtes en train de suivre une diète, la meilleure façon de perdre du poids, c'est probablement la honte pour arrêter de manger. Donc, le Diet Piggy, qui est un beau petit cochon de plastique avec une bavette, vous le mettez dans votre frigo, votre réfrigérateur, et aussitôt que vous ouvrez la porte, le cochon va faire un genre de bruit, un genre de... Il va vous dire « Hey, mange pas, t'sais, mange pas de nourriture grasse. » C'est vraiment génial. Le Diet Piggy, ça coûte environ 12$. C'est sur le site de FunkyZilla.com. Le lien est sur le site de l'émission ou unechance.com. Et vous vous rappelez peut-être les souliers Nike que portait Marty McFly dans Back to the Future. Ceux qui s'attachaient eux-mêmes, là, vous vous rappelez peut-être. Vous auriez aimé avoir une de ces paires de souliers. Eh bien, Nike vont sortir les Marty McFly 2015. Mais en fait, il va les appeler les Nike Hyper Dunks. Malheureusement, ils vont pas se lasser eux-mêmes, mais ils sont quand même faits de matériaux super légers. Ils vont être vendus ou pimpés par Kobe Bryant en noir, de couleur noire, oui. et ils seront... pardon, j'essaie de lire l'article en même temps. Évidemment, il n'appelle pas le Back to the Future là, ou Marty McFly à cause que les jeunes ne connaissent pas ça nécessairement. Là. Mais c'est selon Wired, un article de Switched.com. J'en veux. Bon, voilà pour le bloc Google Gadget. Maintenant, voici quelques-uns des mots-clés les plus recherchés sur Google selon leur Google Hot Trends pour le 1er juillet. Aujourd'hui, ça a été mis à jour il y a une quarantaine de minutes. Ce qui m'a marqué là-dedans, entre autres, en 84e position, drapeau canadien, Canadian flag. En 78e, un mot étrange, en fait, une phrase étrange, Britney Spears, Harry Butt, le derrière poilu de Britney Spears. En 36e, parlant de diète, volumetric diet, une nouvelle diète, j'imagine. En 34e, Canada Day, la fête du Canada. En 19e, Bon Jovi Central Park Tickets. Il y a un spectacle de Bon Jovi et les gens cherchent des billets. Et en 10e, Le Vent du Nord. En 7e, Hurricane Boris, l'ouragan Boris. Et en première position, on retrouve mygallons.com qui, j'imagine, est un site web pour vous conseiller pour l'achat de gaz pour que ça coûte moins cher. Tous les bulletins de nouvelles parlent que de gaz comme c'était une nouvelle. Enfin bon, voilà pour ce bloc Google Gadget et la chronique qui va avec. Maintenant, c'est l'heure de souhaiter joyeux anniversaire. Sorti le 27 juin 2001 aux États-Unis, Anarchy Online soufflait en fin de semaine dernière sa 7e bougie. Pour fêter l'événement, Funcom s'est fendu de quelques célébrations en jeu à l'intérieur du jeu et propose aux Froobs, ces joueurs accédant gratuitement aux jeux multijoueurs massivement online, d'acheter toutes ces extensions pour seulement quelques dollars. L'offre comprend également 30 jours de jeux gratuits plus 7 autres et perdure jusqu'au 4 juillet. Par ailleurs, le développeur a également mis en ligne une vidéo de 12 minutes retraçant la genèse du titre. Vous pouvez trouver ça sur le site de cashfly.net, passé par l'article onechance.com. C'est le 23 juin 2003 que la bêta de Second Life était lancée. Pour célébrer cet anniversaire, Linden Lab organisait le 23 juin le Virtual World Fair, un événement au cours duquel des discussions et des fêtes seront organisées dans le monde virtuel jusqu'au 7 juillet, donc ça continue encore. Les résidents sont également invités à faire la démonstration de leur talent de créateur. Cette date symbolique est aussi l'occasion de faire un petit point sur Second Life après ses 5 années d'existence. Malgré une certaine baisse de popularité, l'univers virtuel revendique encore des 1 million d'utilisateurs actifs et la société Linden Labs est rentable. Donc rendez-vous dans 5 ans pour peut-être un nouveau bilan. Et finalement, il a 96 ans. C'est l'anniversaire de Alan Turing qui est décédé. En fait, ça aurait été son 96e anniversaire. C'est un cryptologiste, mathématicien et le père de presque tout ce qui est numérique, Alan Turing. Il a été persécuté pour son homosexualité jusqu'au point du suicide. Voilà, c'est une tragédie, évidemment. C'est sur le site de boyboy.net que c'est relaté. J'aurais peut-être pu changer ma musique pour celle-là ici. Donc voilà, souvenez-vous aujourd'hui d'un homme qui, plus que Steve Jobs ou même Bill Gates, est la raison pour laquelle vous êtes assis probablement à un ordinateur en ce moment même en train d'écouter la connexion. Donc Alan Madison Turing, né le 23 juin 1912, mort le 7 juin 1954, le père de tout ce qui est numérique. Voilà pour les anniversaires, quelques-uns plus tristes, quelques-uns plus joyeux. À la connexion. Dans quelques minutes, on va parler de tout ce qui s'est passé sur Internet et on va peut-être écouter quelques vidéos. Mais avant, on continue notre série en concert. Heavy Chupa is ready to launch avec Beware the Forest Mushroom de Nonaki's View à la connexion. Ah, c'est fou 89.1 FM. Restez là parce qu'il ne reste que 9 minutes avant Radio Carton le mardi. No Lucky's View et Beware the Forest Mushroom de la série Heavy Troupa is ready to launch. Allez voir lunechance.com pour télécharger la collection au complet. Vous écoutez La Collection, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, voici le bloc autour du net. Bon, faisons un petit tour de ce qui s'est passé sur Internet cette semaine, entre autres. Entre autres choses, il y en a tellement eu. On commence avec quelques images. Retro Gaming on Real Backgrounds, qui est quelqu'un, en fond, sur le site drum.ca, un site d'illustration et de cartooning, un blog en français, d'ailleurs, si vous voulez aller voir drum.ca. Les photos, dans le fond, c'est des photos réelles avec des personnages de dessins animés rajoutés par-dessus. Ça fait quelque chose de très, très beau, là, très... je sais pas, je trouve ça génial comme fond d'écran. Donc, allez voir ça sur lunechance.com. Ensuite, version papier du web. Des gens qui... Bon, quand on fait un site web, on commence souvent avec un petit sketch, là, un petit dessin sur une feuille de cartable, sur des serviettes de table, n'importe quoi. Donc, le prochain grand site d'Internet est peut-être déjà dessiné sur une serviette de table dans un restaurant en ce moment même. Donc, sur le site de deeplinking.net, j'ai envoyé quelques-uns de ces dessins. On commence avec Twitter, hein? Twitter, qui s'appelait Status. Oui, voilà. Ensuite, il y a Flickr Places, il y a Vimeo, le site de vidéo, Twitterverse, un paquet d'autres. Donc, allez voir ça sur lunechance.com. Très intéressant de voir comment ces sites avaient l'air au départ dans le cerveau des personnes qui les ont inventés. One Post Wonder. Le chiffre 1 post 1 der.blogspot.com, l'adresse, mais c'est sur lunechance.com. C'est une collection de blogs qui n'ont qu'un seul article dessus. Donc, par exemple, lazy.blogspot.com, où il y avait un seul message qui disait je démarre un blog, mais je pense que je vais continuer longtemps, quelque chose du genre. En tout cas, jams.blogspot.com, bitchy, eux qui s'appellent bitchihateyou.blogspot.com, sinkingfeeling.blogspot.com. Donc, allez voir ça sur le unechance.com, qui est un site qui n'a certainement pas qu'un seul article, il y en a des centaines. TheCleverest.com, note comment c'est intéressant, comment les films No Country for Old Men et Raising Arizona se ressemblent en termes d'images. Donc, vous pouvez voir une comparaison des scènes de la bande-annonce sur YouTube et des images qui sont comparées et en effet, ça se ressemble pas mal. Sept sites, on parlait tantôt de sites dessinés sur du papier, sept sites qui sont refaits par collegehumor.com comme si les filles étaient les plus présentes sur Internet. Donc, vous savez, il y a une grosse population d'hommes sur Internet, pas mal la majorité. Mais si les filles étaient la majorité, peut-être que les sites seraient différents. Il y a des copies de Dig, de ESPN, de World of Warcraft, de Drudge Report, Google, collegehumor.com qui, en passant, n'existerait pas. Donc, c'est vraiment une erreur 404. La page ne peut pas être retrouvée. En tout cas, c'est très, très drôle d'aller voir ça. Une nouvelle rapide pour parler d'une maison à vendre qui inclut la femme d'un homme. C'est un article, je vais vous laisser aller lire ça. Lego Mania, qui était des consoles de Nintendo, refait en Lego. Hein? Pourquoi pas? Ensuite, Rubik Axe, qui est des hacks avec qui ressemblent à des cubes Rubik, mais avec différentes choses, comme par exemple des touches de clavier de portable. Très joli. Retro Duo, qui est une console qui joue des jeux de NES et de Super NES. Ça coûte 50$, 46$ même. Allez-y, c'est sur le innexinc.com. Le lien est sur lunechance.com, comme toujours. Ensuite, makemebabies.com, qui, dans le fond, vous montre de quoi aurait l'air le bébé, qui serait votre bébé, avec n'importe qui. Donc, vous donnez une photo de vous, une photo de votre copain, copine, ou encore d'une vedette, et vont vous donner de quoi aurait l'air votre bébé. makemebabies.com. Finalement, ça m'intéresse, mais je peux pas en parler très très longtemps. Le figurateur qui fugarise des messages subliminaux sur des photographies. Donc, dans le fond, ça envoie un message subliminal pour que les touristes qui prennent des photos, par exemple, ne voient pas vraiment le message lorsqu'on les prend en photo, mais quand ils vont faire développer les photos, là, ils vont voir le message. Comment ça marche, fouillez-moi, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a une tonne d'autres liens sur le site web unechance.com, entre autres quelques vidéos, là, une belle blonde qui fait des tours sur un ascenseur, vous savez, les ascenseurs automatiques, là, les escaliers roulants, qui tournent sur elle-même. Il y a aussi quelqu'un qui fait le même truc, mais rate ça. Un skateboard brisé, hein, quelqu'un qui essaie de faire un saut sur son skateboard, mais le skateboard brise, très très drôle. Une scène de sexe, version Hollywood, mais réaliste. Allez voir ça sur lunechance.com. Vraiment, j'ai trouvé plusieurs vidéos très, très drôles cette semaine. Donc, allez-y à l'instant même. Alors que nous, c'est la fin de la collection en direct le mardi 1er juillet à 11h. On rappelle, le jeudi à 11h et le lundi à 10h. On se retrouve donc la semaine prochaine dans ces cases horaires. Aussi, je vous retrouve dans le poste d'écoute, l'émission des découvertes musicales les vendredis matin à 10h et dans les palmarès c'est fou les vendredis soirs à 17h. Si vous écoutez le mardi, restez là parce que j'anime Radio Carton. Dans moins de 3 minutes, c'est la grosse émission de déménagement. On va avoir plein de plaisir, passer plein de bonne musique et manger de la pizza gratuite de la part de Pizza Salvatore. Donc, restez avec nous, c'est de 13h à 19h et jusqu'à la semaine prochaine à la connexion. Merci d'avoir été là. Et puis, faites attention à vos genoux, genre. Bye bye. Dash.com.